Ndikobanyanga. Bienvenue à cette édition dont la mise en œuvre est assurée par Alphonse Kougimana. D'abord, les titres. La Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, réclame l'élargissement de l'espace de circulation des tricycles, motos et vélos pour donner des facilités aux travailleurs dans ce contexte de pénurie de carburant. Une doléance bien reçue par le vice-président de la République, vous l'entendrez. Le travail des médiateurs collinaires semble être négligé par les citoyens, même si leur mission est claire. Mais un homme de droit nous fera remarquer qu'ils ont besoin de renforcement des capacités. Et dans la chronique judiciaire de ce jeudi, nous aurons des éclairages sur le principe de la présomption d'innocence. Bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal et par la page Société, la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU en sigle, souhaite que l'espace de travail des tricycles, motos et vélos soit étendu au centre-ville en ces moments durs pour les déplacements. Lors de la célébration de la journée du travailleur et du travail ce mercredi 1er mai, en mairie de Bujumbura, Tarsis Gahungu en a appelé au dialogue entre organes ayant décidé de réduire le périmètre de circulation de ces engins afin de donner des facilités aux travailleurs. Le vice-président de la République, Prosper Badzombanza, a lui aussi reconnu que cette problématique, ajoutée à celle soulevée par l'Association des employeurs du Burundi, trouvera une solution par la négociation. Mireille Kanyangi. Lors de cette célébration à mairie de Bujumbura ce mercredi, Théodore Kamwengusa, président de l'Association des employeurs du Burundi AEB, s'est rangé du côté du respect de la loi lorsque des fonctionnaires et des autorités font du commerce. Quand les fonctionnaires ou des autorités violent la loi en faisant le commerce, qui va faire respecter la loi? Lorsque la loi n'est pas suivie, on ne peut nullement parler de développement du commerce et les recettes dans le trésor public n'augmentent pas. Dans son discours, Tarsis Gahungu, ayant représenté la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, a demandé que les tricycles, les motos et vélos soient à nouveau autorisés à approcher le centre-ville, vu qu'il y a aujourd'hui des difficultés de déplacement, surtout le soir. On a interdit aux bajaj, motos et vélos d'arriver en plein centre-ville. C'est peut-être vrai que ça causait des accidents. Mais si l'on regarde actuellement les difficultés de déplacement, je pense qu'il y a des mesures qu'il faudrait revisiter. Nous avons la chance, le maire de la ville est ici. Vous pouvez vous parler et refaire la zone de circulation pour que les citadins se déplacent facilement. Sur ce, Prosper Badzombanza, vice-président de la République, a expliqué que l'exécutif va s'y pencher, tout en promettant que c'est à travers le dialogue que la solution au desiderata sera trouvée. Pour le reste, ce qui est des discours des représentants des employés COSIBU et des employeurs AEB, nous avons bien reçu leur doléance. Les solutions seront trouvées en passant par le dialogue. On regardera les intérêts des uns et des autres, mais surtout le développement du pays. Cela est ainsi au moment où des files d'attente sont interminables au parking de bus au centre-ville, surtout le soir et dans les quartiers suite au manque de carburant. Merci Mireille pour plus de détails. La complexité école de Guégoura fait face aux différents défis, dont le manque du matériel, le manque de sacs à usage pendant la récolte des feuilles vertes du thé et celui aussi des véhicules de transport de ce produit. Propos de Rémi Tshishahayi, gouverneur de la province Kayanza. Il a dit ce mercredi à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du travail, des travailleurs et du travail. Le détail avec Patrick Sengiumf. Dans son discours d'accueil, Rémi Tshisekedi, gouverneur de la province Kayanza, a indiqué que comparativement au mois d'avril et mai les années antérieures, cette année la production agricole s'est beaucoup améliorée dans la province qu'il dirige. Toutefois, le gouverneur de la province Kayanza a fait savoir que l'office Teikore de Gwegura souffre du problème d'immatériel qui n'est pas à jour, du manque des sacs que l'on utilise pendant la récolte des feuilles vertes du thé et le manque aussi des véhicules de transport de ce produit, ce qui fait que les agriculteurs passent beaucoup de temps à attendre des véhicules qui transportent ces feuilles vertes du thé au hangar de collecte. Rémi Tshisekedi s'inquiète de la gestion des fonds de cette entreprise qui produit beaucoup mais qui ne s'améliore pas. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du travail et des travailleurs, où les cérémonies se sont déroulées au chef-lieu de la province Kayanza, Vincent Savimana, représentant national des travailleurs, a déploré le fait que pour avoir du travail, on doit nécessairement être membre du parti au pouvoir ou avoir de l'argent à donner comme corruption, ce qui impacte négativement, d'après lui, le rendement. Aux doléances liées à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, le président de la République du Burundi a promis que prochainement, il y rencontrera les représentants des syndicats des travailleurs pour trouver solution à des problèmes qui hantent la vie des travailleurs. Vous saurez qu'au terme des cérémonies, 10 personnes parmi elles, un corner de police qui a refusé d'être corruptible, un agronome communal de Butaganzo en province Kayanza et une jeune fille de 16 ans qui a rédigé un roman ont été gratifiés par le président de la République du Burundi. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le travail des médiateurs culinaires semble négligé par les citoyens dans certaines provinces du pays. Ainsi, en province Gitega, ils s'estiment déconsidérés et souhaitent des séances de renforcement en vue d'accomplir efficacement leur mission. En province Makamba, la population refuse presque d'être conciliée par cette institution. Un des médiateurs de la colline Makamba l'a exprimé au cours d'une réunion organisée par le gouverneur de Makamba à l'endroit de la population de la zone Makamba en date du 19 avril 2024. Les médiateurs culinaires ou des quartiers ont une mission de recevoir les plaintes des parties en litige, de les concilier et de donner leur avis sur toutes les affaires civiles de la compétence des tribunaux de résidence. C'est suivant les dispositions de la loi de 2021 relative à la réinstitution du conseil des notables de la colline. Ces médiateurs ont une durée indéterminée, mais un médiateur peut perdre sa qualité pour certains cas, et notamment en cas d'une cause pouvant entacher l'honneur de cette institution. Élu par l'Assemblée collinaire, le nombre des médiateurs collinaires est de 15. Détail avec Marie-Claire Cadenet. La mission générale des médiateurs collinaires ou de quartier consiste essentiellement à la conciliation des parties en litige. Cela implique le rôle de recevoir les plaintes des parties en litige et donner leur avis sur toutes les affaires civiles de la compétence des tribunaux de résidence. Certes, les médiateurs collinaires procèdent à la conciliation des parties lorsque le litige n'est pas de l'ordre public et ne touche pas aux bonnes mœurs. En plus, les médiateurs collinaires ne peuvent en aucun cas se prononcer sur des peines. Cette loi relative au conseil des notables de la colline dispose le mandat des médiateurs collinaires ou de quartier est gratuite. Mais ils peuvent bénéficier d'un encouragement déterminé par voie réglementaire et d'ajouter que la procédure devant cette institution ne donne lieu à aucun frais. La procédure devant les médiateurs collinaires est publique et contradictoire. Le siège doit être composé d'un collège d'au moins 5 membres. Après la procédure, les médiateurs dressent un procès-verbal contenant la décision ou l'avis motivé de l'instance. Une copie est délivrée aux parties en litige et ce procès-verbal est co-signé par les parties et les notables qui ont participé à la conciliation. L'accord des parties est homologué par le tribunal de résidence à la diligence d'une des parties sous réserve des vices de consentement. L'accord obtenu devient exécutoire, mais en cas d'échec de conciliation, la partie qui s'estime lésée peut saisir le tribunal compétent en ayant 15 jours dès la réception du procès verbal. Et le tribunal saisi se prononce sur les questions qui ont fait objet de débat dans la procédure de conciliation. Le tribunal vérifie si les parties ont préalablement saisi les médiateurs collinaires. Et puis, le tribunal n'est pas lié par l'avis de ces derniers, mais le rejet de l'avis des médiateurs est motivé. Marie-Claire Cazenez, certains médiateurs collinaires peuvent ne pas avoir assez de connaissances pour accomplir correctement leur mission. C'est l'avis de l'avocat Emmanuel Bourakouvier qui estime que même l'opinion n'y a pas été suffisamment préparée. La manière dont il se comporte peut également être la raison de cette déconsidération qui s'observe des fois dans la société. Sinon, pour Maître Bourakouvier, la loi précise que leur rôle et leur mission doit être respecté comme tel. On l'écoute. Ces médiateurs et les collinaires ont été mis en place par une loi. Du moment que c'est une loi qui est en place, qui précise leur rôle et comment ils exécutent leur mission, donc il faut suivre scrupuleusement ce que prévoit la loi. Alors, pour ce qui concerne certaines déconsidérations, je me dis que éventuellement l'opinion n'a pas été suffisamment préparée. Je me dis aussi qu'il y a certains de ces médiateurs et collinaires probablement qui n'exécutent pas correctement leur mission, ce qui fait que la population a une certaine vision de la manière dont ils accomplissent leurs tâches, de la manière dont ils se comportent, ce qui peut conduire à certaines déconsidérations. Ça, c'est possible. Mais sinon, c'est une institution qui a été mise en place et qui doit être respectée. Et du moment où leur cahier de charge est bien déterminé, du moment où leur compétence est entièrement définie, il appartient à tout à chacun qui a un litige et qui rentre dans leur domaine de compétence, devoir passer par cette institution pour pouvoir faire avancer son cas d'affaires. Quiconque a un litige n'a pas d'autre choix que de respecter ce que prévoit la loi. Alors, que tu les considères, que tu les déconsidères, la loi est telle qu'elle est conçue, donc il faut respecter ce que prévoit la loi. Mais quand même, est-il important que ces médiateurs même puissent faire une certaine introspection pour voir la manière dont ils se comportent, la manière dont ils accomplissent leurs tâches pour mériter effectivement cette considération. Pour Maître Bourakouvier, le renforcement des capacités des membres de cette institution s'avère nécessaire pour savoir comment cela devrait fonctionner. Il suggère également la confection d'un guide méthodologique qui pourrait les aider à harmoniser les procédures. On l'écoute encore une fois. D'une certaine manière, ils sont appelés à concilier des aspects de droit. Alors, vous ne pouvez pas concilier des aspects de droit si vous ne maîtrisez pas effectivement la loi qui régit l'une ou l'autre affaire. Donc, d'une certaine manière, ils ont besoin d'un renforcement. Procéduralement même, ils ont besoin de savoir comment ça devrait fonctionner. Et moi, je me dis que même, disons, la hiérarchie ou bien les pouvoirs publics devraient penser à les reconfectionner en guide méthodologique et procédural qui pourrait les aider à harmoniser. Parce que la loi dit que les notables vont gérer les affaires conformément aux pratiques de l'endroit. Or, dans toute la République, les pratiques peuvent être différentes. Mais du moment que vous quittez cette instance des médiateurs et que vous allez au niveau du tribunal, donc il y a harmonie, il y a uniformité parce qu'on applique le code de procédure civile, par exemple. Alors là, je me dis, du moment où le tribunal s'est harmonisé, on devrait penser aussi à harmoniser les procédures au niveau de ces médiateurs. Donc ça fait déjà 3 ans que l'institution est fonctionnelle. On devrait faire un audit pour voir effectivement quel est l'impact de cette institution par rapport à leur mission. Les propos de Maître Bourakouvier ont été recueillis par ma consoeur Francine Ndiokougaï. Comparution ce jeudi du journaliste Kenny Claude Ndouimana devant le tribunal de grande instance de Mukasa. Détenu à la prison centrale de Mimba depuis octobre l'année passée, il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet 2024. Et pour cause, son co-accusé dans cette affaire, Médard Mohisa, qui a été libéré provisoirement, ne s'est pas présenté pour l'audience de ce jeudi. Sandra Muhoza, journaliste de la Nova Burundi, est détenue à la prison centrale de Mhimba depuis jeudi 18 avril 2024. Les informations fournies par ses avocats indiquent qu'elle est poursuivie pour 12 infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril cette année. Des sources proches de sa famille et de son employeur précisent que Muhoza venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations. Radio Isanganiro, chronique justice. Le ministère public instruit à charge et à décharge de l'inculpé dans le respect du principe de la présomption d'innocence. Le directeur du centre de formation professionnelle de la justice précise que le respect de ce principe implique que l'inculpé n'a pas l'obligation de fournir les preuves de sa culpabilité. Édouard Minani explique que la personne poursuivie reste innocente durant toute cette procédure jusqu'à la décision du juge. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Boukienet. La présomption d'innocence est un principe reconnu durant toute la procédure judiciaire engagée contre un inculpé. C'est pour cela que les instances de l'enquête doivent éviter de le qualifier de criminel jusqu'à ce que la justice établisse sa culpabilité, ce qui faisait objet de la précédente chronique. La charge de la preuve de l'infraction incombe au ministère public, explique Édouard Minani, directeur du centre de formation professionnelle de la justice. Cette charge donc peut peser pour au-dessus de points. La réalité de l'infraction au regard de sa définition de droit, c'est-à-dire l'élément légal, mais aussi la culpabilité du prévenu ou de l'accusé. Voir si l'élément matériel, étant entendu que l'élément moral est à démontrer aussi, est-ce qu'il était dans ses dispositions mentales, ou bien c'est poussé par une autre intention méchante ou malveillante, ou c'est une infraction, je dirais, préterintentionnelle. L'inculpé a également le droit d'être entendu par un juge indépendant et impartial. Il faut qu'il ait été condamné par une juridiction indépendante et impartiale. D'abord, est-ce que le juge est indépendant du pouvoir politique? Deuxième aspect, est-ce que le droit est accordé à la défense de l'accusé comme il faut? À la défense de l'accusé comme ses avocats, comme lui-même pour se défendre comme il faut. Est-ce que la juridiction connaît le droit? La personne est poursuivie ne peut pas être contrainte à prouver sa culpabilité. Est-ce qu'actuellement on ne peut pas dire au niveau des juridictions, de la pratique judiciaire, que les prévenus sont contraints à témoigner contre eux-mêmes? Deuxième aspect, est-ce que le magistrat, lorsqu'il juge en âme et conscience, comme on le dit en doctrine, est-ce qu'il ne condamne pas les gens alors qu'il est dans le doute sur la culpabilité de l'individu, du prévenu poursuivi? L'inculpé bénéficie du doute éventuellement senti par le juge au cours de cette procédure pénale. Le ministère public instruit à charge et à décharge parce qu'il défend aussi les libertés des individus. Parce que le principe essentiel au niveau de la présomption, c'est la liberté des individus. Lorsque le ministère public, l'officier du ministère public instruit, il instruit à charge et à décharge. Est-ce que il ne peut pas condamner quelqu'un avec des doutes? Le doute profite à l'accusé. En instruisant à charge et à décharge, le ministère public ne doit pas hésiter de demander l'acquittement de l'inculpé s'il constate que les charges ne sont pas fondées. Lorsqu'il constate que les preuves sur les faits sur lesquels il est en train d'enquêter sont vraiment suffisamment étoffées, il poursuit l'inculpé et démontre les faits comme ils se sont déroulés sur base des preuves. Mais aussi lorsqu'il n'est pas suffisamment éclairé, parce que c'est lui qui doit aussi éclairer la lanterne de la juridiction, il est obligé aussi de plaider à décharge de l'inculpé. Ce principe de la présomption d'innocence doit être respecté dans toute la procédure, et cela dans le respect des droits de la personne humaine. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganitu.